Thank you. c'était un peu trop difficile pour moi. Vous savez, j'ai l'esprit simple, je m'étais posé à moi-même. Je me faisais une objection, bien sûr, c'était pour la résoudre. Et si au moment où j'allais répondre à ma propre objection, vous m'en faites une plus grave et plus sérieuse, qu'est-ce que je fais? Alors, si vous voulez, je réponds à ma propre question sur le mur qui me suit. Et puis, on parlera en effet ensuite de la date. Oui, par archéologie, je ne pensais pas tellement à cette fouille dans la terre, à ce grattage des vieux os du passé. Par archéologie, j'entends plutôt, enfin, je voudrais entendre quelque chose comme la description de l'archive. Je voudrais que le mot archéologie vienne de archive, c'est-à-dire la description de cet ensemble, de cette masse extraordinairement vaste, massive, complexe, de choses qui ont été dites dans une culture, en l'occurrence dans notre culture à nous. Je voudrais essayer de les décrire, ces choses, de les décrire dans leur configuration propre, de voir comment elles ont pu être dites, comment elles ont pu subsister, comment elles ont pu fonctionner et comment elles ont pu finalement se transformer. Toute cette vie, toute cette activité sourde et en même temps bavarde, des choses dites à travers une culture. C'est ça que j'entends en gros par l'archéologie. Revenons à votre question, piège sur la date. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Il évalue donc le dernier vers. Et puis, tous les autres, ça va être... comunidad, Juan Mariqueo, Roble Guacho, nacido y criado. Yo soy una señora alfarera, mapuchita. Ahora tengo 75, así que con 45 años estoy trabajando y sigo trabajando. Y seguiré trabajando donde diga Diosito, hasta aquí no va domingo, hasta ahí no va. Ya me gusta el trabajo porque entretiene, relaja, mi trabajo alegría me tiene viva. ¿Por qué tengo buena salud? Por esta alegría. Cuando era niño,